tandis que Desdemona se demande avec Emilia où elle a perdu son mouchoir, Othello revient. « Comment cela va-t-il, monseigneur ?»« Bien, ma chère dame. » À part, « Oh, que de peine à dissimuler !»« Comment êtes-vous, Desdemona ?»« Bien, mon cher seigneur. »« Donnez-moi votre main. »« Cette main est moite, madame. » »« Elle n'a pas encore senti l'âge ni connu le chagrin. » Ceci annonce de l'exubérance et un cœur libéral. Chaude, chaude et moite. Cette main-là exige le renoncement à la liberté, le jeûne, la prière, une longue mortification, de pieux exercices. Car il y a ici un jeune diable tout en sueur qui a l'habitude de se révolter. C'est une bonne main, une main franche. Vous pouvez vraiment le dire, monseigneur, car c'est cette main qui a donné mon cœur. Une main libérale. Jadis, c'était le cœur qui donnait les mains, mais, dans nos nouveaux blasons, rien que les mains, pas de cœur. Je ne sais rien de tout cela. Revenons à votre promesse. Quelle promesse, poulette? J'ai envoyé dire à Cassio de venir vous parler. J'ai un méchant rhume opiniâtre qui me gêne. Prête-moi ton mouchoir. Voici, monseigneur, celui que je vous ai donné. Je ne l'ai pas sur moi. Non? Non, ma foi, monseigneur. C'est une faute. Ce mouchoir, une égyptienne le donna à ma mère. C'était une charmeresse qui pouvait presque lire les pensées des gens. Elle lui dit que tant qu'elle le garderait, elle aurait le don de plaire et de soumettre entièrement mon père à ses amours. Mais que, si elle le perdait ou en faisait présent, mon père ne la regarderait plus qu'avec dégoût et mettrait son cœur en chasse de fantaisies nouvelles. Ma mère me le remit en mourant et me recommanda, quand la destinée m'unirait à une femme de le lui donner. C'est ce que j'ai fait. Ainsi, prenez-en soin. Qu'il vous soit aussi tendrement précieux que votre prunelle. L'égarer ou le donner, ce serait une catastrophe qui n'aurait point d'égal. Est-il possible, monseigneur? C'est la vérité. Il y a une vertu magique dans le tissu. Une sibylle qui avait compté en ce monde 200 révolutions de soleil en a brodé le dessin, dans sa prophétique fureur. Les vers qui en ont filé la soie, était consacrée, et la teinture qu'il colore est faite de cœur de vierge modifié qu'avait conservé son art. Sérieusement, est-ce vrai? Très véritable, ainsi veillez-y bien. Plût au ciel alors que je ne l'eusse jamais vu. Ah? Pour quelle raison? Pourquoi me parlez-vous d'un ton si brusque et si violent, monseigneur? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce que vous ne l'avez plus? Parlez. Est-ce qu'il n'est plus à sa place? Le ciel nous bénisse. Vous dites, il n'est pas perdu. Mais quoi, s'il l'était? Ah, je dis qu'il n'est pas perdu. Cherchez-le, faites-le-moi voir. Je le pourrais, monseigneur, mais je ne veux pas à présent. C'est une ruse pour me distraire de ma requête. Je vous en prie, que Cassio soit rappelé. Cherchez-moi ce mouchoir. Mon âme s'alarme. Allez, allez, vous ne rencontrerez jamais un homme plus capable. Le mouchoir! Je vous en prie, causons de Cassio. Le mouchoir. Un homme qui, de tout temps, a fondé sa fortune sur votre affection, qui a partagé vos dangers. Le mouchoir. En vérité, vous êtes à blâmer, monseigneur. Arrière. Othello sort précipitamment.